La rubrique Revue de presse rétro revient cette semaine sur ce dossier, dans ce fameux tilt datant de juin 1990, hein, ce superbe dossier intitulé « Les dieux du pixel ». Et je vous avais demandé la semaine dernière si ça vous intéressait éventuellement qu'on fasse une deuxième partie cette semaine, puisque j'avais loin d'avoir tout écumé. Donc je rappelle pour les tipeurs qui viennent de rejoindre la famille, bienvenue à vous. Ce grand dossier dans Tilt revenait sur les conditions de travail, sur les astuces, sur les méthodes de célèbres graphistes de l'époque. Et donc avant de revenir sur des petites fiches d'identité, dirais-je, des petits profils de chaque intervenant de ce dossier, dont certains que vous devez connaître tout du moins de nom, j'aimerais revenir sur un petit paragraphe intitulé « Face au futur, il faut se préparer ». Et j'ai bien aimé ce petit passage, puisque effectivement, avec des yeux, et en l'occurrence des oreilles, vous concernant, de 2018, c'est assez sympa à entendre. Donc je cite Tilt qui nous dit « Bientôt le CD-ROM et des jeux toujours plus riches en graphisme. La plupart des graphistes se préparent à ce bon fabuleux. Ici, on met au point des bibliothèques complètes de matières, de la pierre vieillie au ciment brut, des centaines de ciels, de rivières, autant d'éléments qui permettront plus tard de faire vite et bien des softs de qualité. » Les graphistes doivent rester toujours très vigilants en ce qui concerne l'apparition de nouvelles techniques. Olivier Cordoleani vient de s'acheter une caméra pour maîtriser au plus vite la digite dans ses moindres détails. Marco De Flores, responsable des graphismes chez Loriciel, est chargé entre autres d'éplucher tous les nouveaux softs, de contrôler la sortie des utilitaires de dessin, etc. etc. C'est la course à l'armement matériel et intellectuel. Donc les fiches, les petits portraits. Alors si vous suivez le compte Twitter de l'émission Revue de presse JV, tout collé, n'est-ce pas, éventuellement la page Facebook, j'ai posté quelques petites photos en taguant d'ailleurs Philippe Dessoli. Philippe, nous te saluons bien fort. Philippe Dessoli qui avait 20 ans à l'époque, je le rappelle, Philippe Dessoli, papa de Mr. Nuts, cette version Super NES de Mr. Nuts qui, moi, voilà, reste un de mes plus grands moments de l'époque. C'est lui qui s'est occupé des graphismes, de l'adaptation de Toki. On nous dit aussi, dans ce portrait, on nous rappelle qu'il avait fait les graphismes d'Ivan Noé avec Michel Baquet et ceux de Beach Volley. Bref, Philippe a 20 ans et donc sa formation, donc voilà, chaque petite fiche, on demande en fait à chaque intervenant graphiste sa formation, les créations auxquelles il a participé, ses logiciels de travail, ses projets et l'opinion sur sa profession. Donc pour la formation, le magazine nous précise donc que Philippe a fait 3 années de formation dans une école de graphisme publicité et une année de perfectionnement effectuée en même temps que ses premières œuvres chez Océan. Donc au niveau des créations, au moment de l'apparition du magazine, c'est surtout Ivan Noé donc, et Beach Volley, comme nous l'évoquions il y a quelques secondes, qui ressortent. Au niveau des logiciels de travail, c'est Cyberpaint sur Atari ST, Deluxe Paint sur Amiga, l'inévitable, et tous les softs maison d'Océan. Au niveau des projets, il travaille actuellement sur une adaptation arcade. Donc à l'époque, le blaze ne pouvait pas être lâché, mais nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Il s'agit bien sûr de cette adaptation magistrale de Toki. Concernant l'opinion sur sa profession, Tilt nous dit que Philippe est passionné par l'animation, l'aspect dessin animé des softs d'arcade. C'est ce qui l'a toujours poussé vers le dessin sur Amiga ou Atari ST. L'équipe interne de Loriciel. Là, c'est carrément une fiche regroupant une seule et même fiche, regroupant plusieurs personnes, à savoir Marco De Flores, 24 ans à l'époque, Yvan Guédon, 28 ans, Richard Martins, 42 ans, et Philippe Tessan, 25 ans. Au niveau des créations, l'équipe est entre autres responsable de Hirakana West Pfizer. Au niveau des logiciels de travail, Marco travaille sur Cyberpaint, Vidi ST pour la Digit. Concernant la formation de cette joyeuse troupe, Tilt nous dit que voici sans doute l'équipe la plus diplômée de la micro française. Alors, rien que ça. Richard Martins cumule à lui seul une demi-douzaine d'écoles, le même nombre de places d'illustrateurs de presse, etc. Diplôme national d'art graphique pour Philippe, art déco et beaux-arts pour Yvan, beaux-arts pour Marco. Ça cartonne sec, nous dit le journaliste, effectivement. Au niveau des projets, on nous dit beaucoup de projets, dont un jeu de boxe. Alors je ne sais pas si c'est... C'était pas ce jeu de boxe, alors vous me direz là, si ma mémoire me fait défaut, si c'était pas Panza Kickboxing. De mémoire, c'est Loriciel, et au niveau de l'époque, ça devrait correspondre. qui est un très très très très très beau jeu de kickboxing d'ailleurs. Je pense, c'est peut-être celui-là, mais je me trompe peut-être. Hein. Alors, opinion sur la profession. Allez savoir, nous dit-il, tant l'équipe est trop nombreuse pour un seul avis. Tout ce que je sais, c'est que l'équipe est soudée, souriante et a priori prête à tout pour vous faire jouer. Très bien. Dominique Giroud, qui est la seule femme hein, de cette sélection. On parle beaucoup en ce moment de la parité homme-femme, hein, d'une manière générale, mais aussi en particulier dans l'univers du jeu vidéo. Dominique Giroud, qui a 29 ans à l'époque, qui est diplômée hein, d'architecture d'intérieur. Elle a travaillé sur Les Passagers du Vent, Draken, La Quête de l'Oiseau du Temps, etc. Donc de gros gros titres. Hein. Au niveau des logiciels de travail, hein, c'est Degas Elite pour rester, Deluxe Paint sur PC et quelques softs maison. Projet travaille actuellement à la réactualisation de jeux. Opinion sur sa profession, donc elle nous dit je ne joue que très rarement, je ne suis pas une accro de la micro. Pourtant, c'est le seul domaine qui me permet réellement de créer. Maintenant que mon expérience professionnelle se confirme, je me sens de plus en plus attiré par d'autres matériels, d'autres techniques. Les images de synthèse me font rêver. Éric Chailly, alors, hein, nul besoin de le présenter, le papa d'Another World, qui n'existait pas encore à l'époque, hein, enfin en tout cas qui était en préparation dans l'ombre, secrètement, n'est-ce pas ? Éric avait 22 ans à l'époque, hein, imaginez-vous donc. Formation, nous dit-on, autodidacte, donc bon ça, si vous connaissez un petit peu le bonhomme, hein, on le sait. Il découvre, nous dit-on, l'informatique au lycée sur ZX81. Très vite, il apprend le basique et s'achète un Auric Atmos. Pour faire son premier jeu d'aventure, il entame des études d'électronique, mais s'aperçoit très vite que ce n'est pas la bonne filière. Il travaille alors tout seul et donne naissance au Spectre d'Anubis en 1984. Loriciel refuse le projet, c'est en fait Microprogramme 5, Auric International, qui éditera le soft, c'est le début de sa carrière. Au niveau des créations, on nous dit que donc à ce moment-là, en 1990, après le Spectre d'Anubis, Éric réalise un jeu d'arcade de Guy édité par Loriciel. Vient ensuite le Pacte, qu'il réalise entièrement salarié de Loriciel. Chez l'éditeur Chip, hein, et toujours comme salarié, il abandonne la programmation pour se réserver au graphisme avec Voyage au centre de la Terre et Jeanne d'Arc. C'est à son compte qu'Éric continue sa carrière avec les Voyageurs du Temps, chez Delphine Software, donc le fameux jeu d'aventure hein, de Paul Cuisset, jeu qui lui a donné vraiment encore un plus grand tremplin pour aller bah, jusqu'à Another World. Et justement, en parlant des projets, Eric dit hein, c'est un soft qui est encore top secret. Voilà. Concernant l'avis que se fait Eric à ce moment-là de sa profession, il dit, je cite, « C'est génial d'être à son compte et on est toujours libre. J'ai évolué avec les machines. Ce qui compte maintenant, c'est l'animation et surtout l'interactivité. » Le dernier portrait concerne Dominique Sablon. Alors, Dominique Sablon, j'avais omis de vous le dire la semaine dernière et heureusement qu'un auditeur me l'a rappelé. Dominique Sablon nous a malheureusement quitté le 27 août 2015. Il n'avait que 59 ans. Hein, il faut savoir qu'il avait participé. Donc, surtout, on a retenu surtout plusieurs jeux, là encore, hein, comme le Manoir de Mordviel, Mopity Island, Vroom, Roddy et Mastico. Et donc, bah, à l'époque hein, de ce dossier, il avait 34 ans. Lui aussi, nous dit-on, hein, au niveau de sa formation autodidacte, hein, comme Éric Chailly. Il travaille pendant 10 ans aux éditions Larousse, hein, pour faire des planches visiblement superbes, rencontre le directeur artistique de Gallimard, où il travaille ensuite comme illustrateur. Impressionné par les images virtuelles qui apparaissent sur micro, Dominique se lance dans cette voie. C'est le co-créateur de l'Encore. Vous voyez, ça, je l'avais complètement oublié. Dominique travaille désormais à son compte pour les plus grands de la micro ludique. Donc, création 1, le fameux Manoir, bien sûr, Mopity Island, Tennis Cup, Vroom, bref, que des tueries absolues. En logiciel de travail, il utilise Deluxe Paint 2 sur Amiga. Des projets top secrets, visiblement. Beaucoup d'idées, mais à ce moment-là, hein, pas moyen d'avoir un petit biscuit pour le journaliste. L'opinion sur sa profession. Tilt nous dit qu'il est très enthousiaste, même si l'expérience de l'Encore était aussi passionnante que difficile. Prêt à tout pour que la profession soit mieux connue du public et plus soutenue par les éditeurs. Son conseil pour clôturer ce dossier, donc... Nous citons Dominique Sablon, futur graphiste, soyez tout à la fois déterminé et créatif et n'oubliez jamais l'importance de la technique dans votre art. Je pense que c'est ainsi qu'on va clore ce dossier sur des mots de Dominique Sablon, une sorte de petit hommage hein, tout modeste à notre niveau qu'on peut lui rendre. J'ai oublié de vous préciser que ce dossier a été réalisé par Olivier Hautefeuille.